que l'homme est peu réel, qu'aisément il s'efface, présent si peu de choses et rien quand il est loin. Sa présence, ce n'est qu'un point, et son absence, tout l'espace.